Radiomatique. amorcé la transmission 502 d'Audiomatique. Les sonoristes ont choisi de vous présenter le trio Rimden de son deuxième album intitulé Space Sailors et qui est paru en 2020. Nous écoutions la pièce Arriving at Ramage Part 2. Et c'est le Twilight Circus Dub Sound System qui assure la continuité d'Audiomatique. Montserrat, This is 930 Radio. Right to the launch, man, with the super soul styling. It's I'm and Mr. Collins, come for on board for in. I just should DJ come for sit down conversion. From the number one nation, international. Non-stop music. Mozilla, Mozilla. Shut the mic, me, I go sit down, city. I'm serving the code, I'm feeling the same fee way. They want poop for college, and they want Jack King. This show on tune, I feel run country. I live a free life in a super soul. Express with self in a super soul. Think of it with us in a super soul. Not calling a boy, pull me under control. I live a free life in a super soul. Express with self in a super soul. Not control. And no boy put we in the control. Him go to the collage, me chat microphone. Yeah! That's Super Soul, and right now we got something for you right now. Now. Nous venons d'entendre Meatbeat Manifesto et sa pièce Super Soul Dub qui apparaît sur l'album In Dub paru en 2004. Avant cela, c'était le projet Twilight Circus Dub Sound System mené par l'artiste Ryan Moore de son album Volcanic Dub publié en 2001. Nous écoutions Seismic. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec la formation française Bruit. Il s'agissait à Audiomatic du quatuor français Bruit, de son premier album studio, The Machine is Burning and Now Everyone Knows It Could Happen Again, sorti en 2021. Nous vous avons présenté ce que l'on pourrait qualifier de pièce-titre, soit la pièce The Machine is Burning. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique du groupe québécois Handful of Snowdrops. Thank you. Audiomatic. Cette séquence concluait sur la musique de Data Bank A et la pièce Severed from the Song tirée de l'album Salad Days qui est sorti en 1989. Avant Data Bank A, nous entendions le groupe Voz Propia et sa composition A Oscuras apparaissant sur l'album Astio, paru en 1990. Et la première pièce de cette séquence nous permettait d'entendre les débuts du groupe québécois Handful of Snowdrops grâce à Crushed, composé en 1984 et disponible sur l'album The Complete Four Track Recordings. En conclusion de cette transmission 502 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la musique de l'artiste arméno-américaine Karen, de son plus récent mini-album Calm Chaos, lancé le 7 juin 2024. Nous entendrons la pièce-titre. La transmission 503 d'Audiomatic sera diffusée mercredi prochain dès 17h en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM. Puis elle sera disponible en différé dans les archives numériques dont la porte d'entrée principale est notre profil facebook.com/audiomatic-cfou. Voici donc Karen et la pièce Calm Chaos. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Sun in the air.